Alors salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille du dimanche 9 septembre 2018. C'est la 6e saison de la Croche-Oreille. Alors voilà, d'entrée de jeu, je suis vraiment heureux de vous retrouver ce soir en live autour d'une émission qui ambitionne, qui souhaite, qui espère vous séduire chaque dimanche soir avec des œuvres sonores inédites, très actuelles ou encore tirées du répertoire désormais classique des expérimentations musicales, poésie sonore ou découverte électroacoustique. Évidemment, je résume. Alors, pour se réchauffer les oreilles et démarrer ça sur un fond de sonorité tout à fait estivale, voire caniculaire, même un peu nostalgique pour certains, on écoute un fragment d'une journée chez les oiseaux. C'est du poète Pierre Morency, un beau disque vinyle paru au début des années 80. Je vous en présente un extrait. Et un disque dans lequel Pierre Morency nous rappelle que chaque oiseau invente son propre chant. Alors, c'est tout à fait dans le ton de l'émission pour ce qui est des créations d'art sonore. Alors, de belles sonorités, ailées, suivies d'une pièce de Philippe Lauzier, d'Alexandre Saint-Onge, qui s'intitule « Obsolète ». C'est une pièce enregistrée en 2017 à Montréal. Non loin du fleuve Saint-Laurent, aux limites de la ville, il y a une maison entourée d'arbres. Les premières lueurs de cette aube de juin ne sont pas encore apparues que déjà, par la fenêtre ouverte, pénètre une musique singulière. Du fait d'un grand érable où il a établi son nid, le pioui de l'Est, un petit moucherol aux couleurs sobres, livre son chant d'aurore. Chaque oiseau invente son propre chant, car les trois phrases typiques de l'espèce sont placées dans un ordre tout à fait improvisé. Alors voilà, on vient d'entendre une pièce de Philippe Lauzier, d'Alexandre Saint-Onge, une pièce qui s'intitule « Obsolète » et qui est dans la continuité de ces sonorités que nous proposait la nature de Pierre Morency. Alors, pour ceux et celles qui sont moins familiers avec l'émission, je vous propose toute la saison de fréquenter chaque dimanche soir des sonorités nouvelles, stimulantes et surtout agréables pour l'oreille. Alors, je vais tenter, bien que modestement, de vous éloigner un peu de la musique pop et de vous faire découvrir des démarches artistiques et musicales étonnantes la plupart du temps. Alors, on va faire ça, comme il est de coutume, en invitant des artistes qui créent avec les sons. Je parle de concepteurs audio, de musiciens et d'artisans qui sont très nombreux de l'univers de la création sonore. Et je les invite à venir vous parler, nous parler, nous entretenir de leurs projets de création et de recherche. Puis souvent, ils sont à Québec pour des spectacles. Alors, comme on l'a fait ces dernières années avec une foule d'artistes du Québec, du Canada et d'ailleurs. Alors, on vient d'entendre trois belles pièces sonores de Christian Zanesi. Une première pièce intitulée Memory Movie, une deuxième Tempête Magnétique et troisième pièce Ghost Liner, la toute dernière. C'est trois titres tirés d'un album intitulé Paysage Magnétique. Christian Zanesi, c'est un créateur français sur lequel on va revenir en cours de saison. Bon, ce qui m'amène à vous rappeler que vous pourrez retrouver toutes les pièces de l'accroche-oreille sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Vous y trouverez le descriptif de l'émission, nos partenaires CKRL et Avatar, ainsi que toutes les émissions disponibles en balado-diffusion pour une écoute immédiate ou encore en différé. Vous trouvez également sur le site de CKRL le podcast pour les intéressés. Alors, vous pouvez aussi m'écrire à crocheoreille@gmail.com pour me faire des suggestions, m'exprimer vos commentaires sur l'émission. Et voilà, avant la pause qui s'en vient, je vous propose un retour en nature avec Chris Watson. C'est un artiste réputé du field recording animalier, une plage sonore intitulée Varigal Night, que je traduirais par la nuit des varigales. CKRL, communication, culture. Surprise! Un voisin accourt en nous invitant à aller entendre, dans le boisé derrière sa maison, une bien étrange musique. Une chouette rayée tout près. Puis, au loin, une réponse. Et commence alors, entre les deux chasseurs de l'ombre qui bougent dans les feuillages, un échange endiablé de ululements bizarres. Et oui, vous êtes bien sur les ondes CKRL à Croche-Oreille qui est de retour ce soir sur des sonorités de nature aérienne. Vous l'avez constaté avec cet extrait d'une journée chez les oiseaux du poète Pierre Morency, un disque vinyle paru au début des années 80 qui est une pièce rare maintenant. Alors voilà, l'art sonore, c'est aussi cela, c'est aussi le chant des oiseaux et ce qu'en font les créateurs parfois. Et cet art sonore qu'on appelle aussi l'art audio, d'autres l'appellent l'art des bruits, les bruits agréables, parfois des bruits un peu dissonants, musique expérimentale. Voilà, de quoi parle-t-on au juste sur un plan plus général? Eh bien, on pourrait dire, sans trop vexer les théoriciens et le dire de manière un peu naïve, que l'art sonore, c'est une sorte d'exploration du son qui englobe beaucoup plus largement que la musique. Alors, dans l'art sonore, évidemment, il y a la musique au sens propre du terme, mais il y a aussi, et je dirais surtout, ce qui ressemble à de la musique sous des formes inattendues. Alors, on parle généralement de construction sonore qui résulte de combinaisons raisonnées, parfois accidentelles ou improvisées, des sons de toute nature tirés de la vie quotidienne, d'environnement, de travail, de la voix humaine et de chant, des bêtes aussi, et générer ces sons par toutes sortes de machines, les instruments de musique en première ligne, évidemment, mais aussi la radio, le magnéto, l'ordi, le synthé, mais aussi par des sculptures, des installations et des instruments qu'inventent les artistes ou les artisans. Et on parle aussi parfois d'instruments traditionnels qui sont préparés, donc que l'on modifie pour en faire jaillir, produire de nouvelles sonorités, comme le célèbre piano préparé de John Cage qu'on écoute à l'instant sous l'intitulé Sonate numéro 5 et Sonate numéro 6 pour piano préparé. Alors, deux pièces que j'enchaîne. Thank you. Alors, on vient d'entendre les sonates numéro 5 et sonate numéro 6 de John Cage, des sonates pour piano préparé. Alors, voilà, tout au long de la saison, je vous propose, comme vous le constatez, une heure de sono atypique avec des interviews, des topos sur des événements sonores, des publications récentes, des performances qui se passent en ville et j'en passe. Bref, une occasion de se faire l'oreille à cet univers méconnu des arts sonores qui ont vraiment la cote au sein de la création actuelle. Je pense évidemment au projet du Centre Avatar qui apporte un soutien indéfectible à l'émission. Je pense aussi au Mois Multi à Québec en février de chaque année, à Mutec sur Montréal et à quelques revues spécialisées comme Music Work, une revue ontarienne, ou encore à des projets dans la ville réalisés par le Festival de musique actuelle de Victoriaville. Alors, pour aborder concrètement ce monde coloré des arts sonores et vous donner un avant-goût de la saison qui s'amène, je débute ça avec un pionnier de l'art sonore du Québec, Bernard Bonnier, avec une pièce intitulée « Métaphore pour un nouveau monde ». C'est une création datée tout de même, une création des années 80, qui a été composée pour accompagner un poème du même nom de l'écrivaine Michèle Lalonde. Alors, on écoute Bernard Bonnier. La leçon d'histoire serve à qui veut l'entendre. Ce que nous caressions, c'était l'espoir d'un nouveau monde. Ce que nous avons découvert, et comme touché du doigt. C'est la vieille différence entre la pépite d'or et le fragment de cuivre. Entre le diamant dans la froide vision du prince et la paillette de mica dans l'œil naïf du matelot. Sur les héroïques caravelles, c'est l'océan de différence entre le rêve et l'ambition. Ce que nous avons mesuré avec un compas, un sextant, un bâton de Jacob, c'est la distance politique entre l'appétit et le désir. D'une croix blanche marque dans nos mémoires l'emplacement exact de l'antique brouage et le lieu utopique d'éternelle partance d'où la mer elle-même s'est lentement retirée. Si nous préméditions un retour au passé, l'ironie de l'histoire nous en dissuaderait. Comprenez que le temps a en sable le corps et que le sablier de chantier est brisé. À Alors voilà, ainsi s'achève la croche-oreille pour cette première de la saison avec cette pièce de Bernard Bonnier qui s'intitule Métaphore pour un nouveau monde, une pièce qui date tout de même du début des années 80, alors un visionnaire. Alors je vous invite tout de même à jeter un coup d'œil sur le site web de la croche-oreille, lacrocheoreille.wordpress.com. Vous pouvez également me faire vos suggestions ou m'écrire simplement à crocheoreille@gmail.com. Pour ce qui est du site, le site de la croche-oreille, vous pouvez y retrouver toutes les pièces entendues au cours de l'émission. Alors, on termine sur une pièce tirée d'un album vraiment magnifique de Nicolas Bernier, intitulé String Line. Sur ces sonorités, je vous dis à la semaine prochaine sur les ondes de CKRL 89,1. Et d'ici là, eh ben, soyez attentifs aux sons autour de vous.

communication, culture.